Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. Nous sommes le mercredi 12 mai 2021, il va bientôt être 14h02, c'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone Paul Landon qui est là pour nous parler de l'IMP ou intégration motrice primordiale et pour nous parler des réflexes dits primordiaux ou réflexes archaïques, de ce que c'est l'IMP et de ce que sont justement ces réflexes primordiaux ou réflexes archaïques. Donc bonjour Paul. Oui, bonjour, merci de l'invitation, ça me fait très plaisir. Ah bah c'est un plaisir de vous accueillir. Comment ça va ? Eh ben ça va bien, en Normandie là, c'est sous la pluie mais bon ça va, on n'est pas fait en sucre comme disait ma grand-mère. C'est vrai. Bah, du côté du Grand Est, il fait gris aussi. On a de la chance, il pleut pas, mais il fait gris. Donc bon, on fait avec, on n'a pas le choix. Ah ouais. Donc nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Ah bah oui. Bah moi, je suis en fait un ancien élève en difficulté scolaire. L'entrée à l'école était pour moi très difficile. J'ai jamais vraiment apprécié beaucoup l'école. Et puis quand j'ai grandi, j'ai cherché des solutions pour mes difficultés en rapport avec l'école. Donc mes parents, dans un premier temps, sont partis sur des approches plus traditionnelles, classiques. Et puis ensuite, ça me satisfaisait pas. Donc à l'adolescence, je suis parti un peu à l'étranger voir ce qui se faisait, ce qui pouvait m'aider. Et donc je vais faire cours. Au fur et à mesure, je suis devenu un spécialiste de l'amélioration de l'apprentissage et j'ai créé plus tard, à 23 ans, un centre de formation qui s'appelle le Centre de formation Le Plaisir d'Apprendre, qui a pour but de diffuser des méthodes autour de l'amélioration de l'apprentissage. Alors pas seulement à l'école, hein, on s'adresse à tout type d'apprentissage, y compris travail en entreprise, personnes âgées, etc. Et puis plus tard, j'ai fait une synthèse de tout ce que j'avais appris dans ma carrière, après plus de 25 ans d'enseignement, et j'ai créé effectivement cette approche intégration motrice primordiale dont on fête les 10 ans, donc j'ai créé en 2011 et que j'enseigne avec toute mon équipe maintenant à des milliers de personnes chaque année. D'accord, donc nous allons développer justement tout ce qu'est l'IMP au fur et à mesure de toute cette heure d'émission, mais oui. Est-ce que vous pouvez déjà décrire en quelques mots rapidement ce qu'est l'IMP ? L'IMP, c'est une approche qui va utiliser principalement des mouvements pour aider à tout ce qui va être l'intégration, donc on va devoir définir ça, des réflexes archaïques, des réflexes primitifs, qu'on appelle aussi réflexes primordiaux, qui sont ces réflexes qui sont des réactions spontanées que présente le bébé à la naissance et qui doivent normalement s'inhiber, c'est-à-dire disparaître au fur et à mesure qu'on grandit, et que malheureusement, dans un grand nombre de cas, ces réflexes ne vont pas s'inhiber, et ce qui va nous affecter au niveau de notre développement en grandissant, soit au niveau corporel, donc notre posture, notre gestuelle va être affectée, soit au niveau émotionnel, notre capacité à gérer nos émotions, développer notre confiance en nous, soit aussi au niveau cognitif, c'est-à-dire de nos apprentissages, concentration, entre autres, mais aussi mémorisation, lecture, écriture, et c'est ça qui me passionne beaucoup. Et donc, le but de l'IMP, c'est de chercher si en chacun de nous, on a bien intégré un petit peu notre programme génétique qui était prévu à notre naissance, si on a eu ce qu'il fallait pour grandir aisément, ou s'il manque un peu, s'il y a un peu des maillons faibles dans toute la chaîne de choses qui ont dû se mettre en place dans notre développement. Et s'il manque des choses, si ça s'est pas bien stimulé, si les réflexes ne sont pas inhibés comme il convient, eh bien on va utiliser des mouvements, des activités pour inhiber ces réflexes et permettre à chacun de retrouver son potentiel, que ce soit au niveau corporel, gestuel, au niveau émotionnel ou bien encore au niveau des apprentissages, ce qu'on appelle la cognition. D'accord. Donc, est-ce que vous savez à peu près combien vous êtes de personnes, on va dire, en France à pratiquer cette méthode IMP, à être des professionnels de cette méthode ? Alors, il y a deux types de professionnels. D'accord. Il y a les professionnels qui sont certifiés en IMP, c'est-à-dire que les gens qui ont suivi environ 200 heures de cours de formation et qui ont passé une certification avec examen théorique et pratique. Là, on est autour de gens qui sont installés, selon les années, les gens qui s'installent autour de 150 professionnels installés, donc c'est assez peu. Mais en revanche, il y a aussi une centaine de personnes basées entre la Suisse et la Belgique, donc ça fait 250 personnes entre France, Belgique, Suisse. Mais à côté de ça, on forme des milliers de professionnels chaque année, donc là, qui utilisent l'IMP dans leur profession, c'est-à-dire des orthophonistes, des kinésithérapeutes, des podologues, des psychomotriciennes, des ergothérapeutes, mais aussi beaucoup d'ostéopathes, quelques médecins, infirmières, etc. Donc là, par contre, on en forme quelques milliers chaque année, donc on est à plusieurs milliers de personnes dans toute la France. D'accord. Donc c'est vous qui avez créé cette méthode IMP ? Oui. Oui, Oui, en 2011, effectivement. En fait, j'ai introduit à la fin des années 90 le travail sur le réflexe archaïque en France, parce que quand j'ai constitué mon centre de formation en 1996, mon idée c'était d'inviter des gens du monde entier qui étaient experts dans le domaine de l'apprentissage, dans le domaine de la posture, dans le domaine du mouvement, et pour faire partager ces savoirs en France. Et donc j'ai fait venir des gens des États-Unis, de toute l'Europe, bien sûr, de la Belgique, de la Suisse, de l'Allemagne, mais aussi des gens qui venaient de l'Australie ou de Russie. Et donc, au fur et à mesure des années, on a pu organiser toutes ces formations avec ces experts, et ça, c'était très enrichissant. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est un peu une synthèse de tout ce que j'avais appris autour de ce parcours de 20 ans avec ces experts-là, tout en continuant, évidemment, à les inviter chaque année, parce qu'il y a des recherches qui se font dans tous ces domaines, et il faut en profiter. Mais j'ai décidé de faire un peu une synthèse de ce que j'ai appelé intégration motrice primordiale, mais d'un peu de tout ce qui se fait autour des réflexes archaïques, des réflexes primitifs primordiaux, et donc de développer ça en France sous cette appellation intégration motrice primordiale, dans un cursus qui est relativement sobre, puisqu'il s'agit de 200 heures de formation, c'est-à-dire, en gros, ça fait 7 stages de 4 jours. Voilà. D'accord. Donc, en tant que, avec cette méthode de l'IMP, est-ce que vous faites des séances individuelles et des formations, car c'est aussi là l'intérêt de cette méthode, mais est-ce que vous faites ces séances et ces formations qu'en France, ou est-ce que vous, à titre personnel, il vous arrive de faire des séances et ou des formations dans d'autres pays du monde, frontaliers ou non? Alors oui, effectivement. Alors principalement, étant basé en France, on a énormément de formations qui ont lieu dans toute la France, que ce soit dans l'Est, dans le Sud, dans le Nord, dans le Centre, et puis chez nous, en Normandie, à Caen. Donc là, on a effectivement tout un panel de formations sur la France. On a aussi quelques cours qui sont organisés en Belgique. On a même une instructrice belge qui est sur place du côté de Liège. Et puis on a quelques cours en Suisse, et puis on a des invitations ponctuelles. On est allé dans différents pays à l'occasion, mais c'était plutôt pour faire connaître un peu sous forme de séminaire. Donc on est allé au Maroc, on est allé dans quelques pays, mais essentiellement l'IMP se développe en France et dans les pays proches de langue française, la Belgique et la Suisse. D'accord, et donc qui peut bénéficier de ces séances et de ces formations? Est-ce qu'elles sont ouvertes à tout le monde? Est-ce qu'il y a des conditions pour en bénéficier ou pas? Alors, il y a deux questions en une. En fait, il y a la formation d'une part. Là, les formations, elles sont ouvertes à tout le monde. Et là, on a deux types de publics. La plus grande partie des gens qui viennent se former sont des professionnels des paramédicaux ou des professionnels de l'apprentissage, comme des orthophonistes, des kinés, des ostéopathes, des podologues, des médecins, des infirmières, mais aussi des éducateurs, des enseignants. Voilà, donc on a un public très large. Et on a une deuxième catégorie, ce sont les gens qui sont en requalification professionnelle, les gens qui veulent apprendre un nouveau métier pour en vivre. Et donc on a un certain nombre de gens qui viennent aussi dans ce cadre-là. Et donc là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ce ne sont pas des formations compliquées. On va apprendre tout ce qu'il y a besoin de savoir pour pratiquer l'IMP, pour travailler autour des réflexes primitifs dans les stages. Donc il n'y a pas de prérequis, tout le monde peut venir. Les séances individuelles, ça c'est autre chose. Parce que la formation, c'est quoi? C'est former des gens pour qu'ils puissent utiliser l'IMP dans leurs séances individuelles ou au sein de petits groupes. On peut aussi faire des animations de groupe ou aller dans des écoles auprès de classes d'élèves et de faire des choses, ou en maison de retraite avec des groupes par exemple. Mais là, les séances individuelles, c'est ouvert à tout le monde, puisqu'on va travailler sur des objectifs, c'est-à-dire sur est-ce qu'il y a quelque chose que je veux améliorer au niveau de ma posture, au niveau de mon bien-être et surtout au niveau de mes apprentissages, de ma concentration, de ma confiance en moi, au niveau émotionnel, etc. Donc là, les séances individuelles sont vraiment ouvertes à tout le monde. Il suffit de trouver un professionnel et puis de prendre un rendez-vous. Et la première chose que demandera le professionnel, c'est quels sont vos objectifs. Et non pas, ça va être très important, on le développera peut-être tout à l'heure, mais c'est l'aspect philosophie, c'est une approche éducative. Donc on ne cherche pas à résoudre les problèmes des gens. Moi-même, je ne suis pas thérapeute, même si je forme beaucoup de thérapeutes, y compris dans le domaine médical, je ne suis pas thérapeute. Et donc, notre but, ça va être plutôt d'être comme un coach, comme quelqu'un qui veut guider. D'ailleurs, les professionnels, on les appelle des accompagnants. Donc, on accompagne la personne, on lui demande, voilà, qu'est-ce que vous voulez développer? Dans quelles circonstances de votre vie vous voudriez améliorer votre potentiel? Qu'est-ce que vous voudriez faire mieux? Alors, moi, dans mon cabinet, je travaille principalement avec des enfants en difficulté d'apprentissage. Donc ça va être des choses, qu'est-ce qu'il veut améliorer? Alors ça peut être des choses scolaires, bien sûr, lecture, écriture, concentration, apprentissage, mais aussi des choses liées aux différentes hobbies, passions qu'on a dans la vie, la musique, le sport, le mouvement, le jeu, les relations aussi qu'on entretient avec les amis, avec la famille, qui parfois est un peu difficile et donc on veut améliorer. D'accord. Est-ce que justement la méthode, on va dire les séances individuelles, diffèrent selon les différentes tranches d'âge ? Alors, absolument pas. D'accord. Quel que soit l'âge de la personne, quelle que soit la raison pour laquelle il vient nous voir, on va aborder toujours les gens de la même manière. Et en gros, on va les accueillir et leur demander, comme je viens de l'indiquer, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer, qu'est-ce qu'ils veulent faire de mieux dans leur vie. Et à partir de là, on va être en mesure de, une fois ces objectifs fixés, ce que la personne vient chercher, on va être en mesure de faire un petit peu des observations autour de ces fameux réflexes primordiaux et d'observer qu'est-ce que, par rapport à mon objectif, vient me soutenir ou qu'est-ce qui n'est pas vraiment là, quelle fondation il manque au niveau de mon développement. Et à ce moment-là, eh bien, on va faire ces observations et proposer à la personne un certain nombre d'activités sous forme de jeu, sous forme de bercement, sous forme de mouvement, sous forme de tout un tas d'activités qui ont été développées au fur et à mesure des années. Et puis, une fois que c'est fait, on va réobserver pour voir si on sent les choses changer pour la personne, au niveau en tout cas de ses réflexes, et dans un deuxième temps, au niveau de comment elle se sent vis-à-vis de son objectif. Puis on va l'inviter chez elle à faire quelques-uns de ses mouvements, 3, 4, 5 minutes maximum par jour, jusqu'à temps qu'elle sente qu'elle est en phase de construction de ses objectifs et d'atteindre ce qu'elle souhaitait, quoi. Et donc c'est la même chose. Alors évidemment, si on reçoit un petit enfant de 2-3 ans, on va avoir une approche plus ludique, on va pas faire des longues séances, on travaillera plus avec les parents, mais ça reste exactement le même principe, quel que soit l'âge de la personne. D'accord. Donc, en faisant mes recherches en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire sur votre site internet, donc www.reflex.org, que la méthode IMP est une approche centrée sur l'intégration des réflexes et mouvements primordiaux, comme on le dit depuis le début de cette émission. Donc, en général, quand on entend primordial, on comprend que c'est de première importance. Donc, est-ce que c'est là ce que sont les réflexes primordiaux ? Est-ce que ce sont des réflexes de première importance ? Alors, c'est exactement ça. Alors, le nom à l'origine, c'est les gens utilisent plutôt le terme réflexe archaïque ou réflexe primitif. Et souvent, ce mot archaïque ou primitif est connoté. C'est-à-dire que les gens pensent souvent quelque chose qui est archaïque, ça veut dire c'est vieillot, c'est dépassé. Même chose pour primitif. Et du coup, j'ai cherché un autre terme. Évidemment, j'ai appelé ma méthode intégration motrice primordiale, c'est pas pour rien. J'ai cherché un autre terme. Et effectivement, ce terme primordial, en fait, il a deux significations. D'une part, comme vous venez de le dire, Chris, il veut dire de la plus grande importance. Et d'autre part, ça veut dire aussi, quand on dit quelque chose est primordial, ça peut vouloir dire quelque chose de très ancien. Donc ces réflexes, ils sont un peu, comme on pourrait dire, la résultante de millions d'années d'évolution qui permettent à l'être humain d'être hyper adaptable à son environnement. Et donc l'être humain a à sa disposition, dès la naissance, un grand nombre de réflexes. C'est-à-dire, des réflexes sont des réactions automatiques. C'est pas quelque chose de volontaire, de réfléchi. Ce sont ces réactions automatiques qu'on retrouve chez le bébé. Et ces réflexes sont absolument indispensables, tellement indispensables que les pédiatres, à la naissance, vont tester quelques-uns de ces réflexes, parce qu'on sait que si ces réflexes ne sont pas en place dès la naissance, ça peut indiquer une pathologie et souvent, d'ailleurs, un handicap. Donc, c'est dire l'importance de ces réflexes, parce qu'en quelque sorte, ces réflexes sont à la constitution de notre système nerveux. Ils sont dans le tronc cérébral, dans le cerveau reptilien, dans les parties les plus basiques du cerveau. Elles permettent de mettre en place toutes les fonctions essentielles à la survie de l'individu, en termes d'alimentation, de motricité, de battement cardiaque, de fonctionnement vestibulaire, c'est-à-dire de l'équilibre au niveau du système visuel. Et donc, à partir de là, notre cerveau va s'appuyer sur cette structure de base pour ensuite développer ce qu'on appelle le néocortex. Le néocortex, c'est là où se retrouve la pensée logique, rationnelle, les apprentissages, etc. Et donc, oui, c'est tout à fait primordial, ces réflexes, puisque s'agit de la constitution de base de notre système nerveux. Et donc, il va être absolument impératif de vérifier si ce fonctionnement de base est en place chez nous, chez tout un chacun, pour vérifier que notre développement s'est effectué enfant de la meilleure manière possible, et de vérifier donc qu'à l'âge adulte, on ait à notre disposition tout notre potentiel, que ce soit au niveau corporel, au niveau émotionnel, et aussi au niveau de nos apprentissages, de la cognition. D'accord. Et donc, pareil, sur votre site internet, vous dites que l'IMP est une approche simple, en faisant comme un jeu de mots avec chaque lettre du mot simple. Oui. Donc, l'IMP est, en effet, comme son nom l'indique, et comme vous le dites, un système d'intégration motrice primordiale, ludique et éducatif. Ce sont donc les lettres de l'acronyme. Oui. Et qu'est-ce que tout cela veut dire? Absolument. Alors, effectivement, c'est un petit acronyme SIMPLE. C'est une approche simple. S pour système. C'est un système parce que l'IMP, je pourrais dire aussi S pour synthèse, c'est une synthèse, c'est un système qui incorpore beaucoup d'approches. Comme je l'ai dit, l'IMP a été créé suite à plus de 20 ans, 30 ans presque de pratique en cabinet et d'enseignement. Et donc, j'ai pris dans ces différentes approches ce qui me semblait le plus j'allais dire moderne, adéquate, prouvée, efficace pour travailler sur ce qui me passionne moi, c'est-à-dire soit la posture, soit le travail émotionnel, soit le travail au niveau des apprentissages et de la cognition. Et donc c'est un système de plusieurs éléments d'intégration, c'est-à-dire de créer une harmonie, une unité entre les différentes parties de nous, comme je viens de l'indiquer, entre l'émotionnel, le corporel et le cognitif. Et motrice, ça veut dire qu'on utilise le mouvement, hein, le corps humain se façonne par le mouvement. On pourrait dire, nous, en IMP, on aime bien dire « je bouge, donc je suis ». C'est par le mouvement qu'on se sent exister, et c'est par le mouvement qu'on se construit bébé, et le mouvement va permettre l'intégration de toutes les fonctions corporelles et psychologiques. Donc système d'intégration motrice, voilà, par le mouvement, je m'y perds maintenant, éducatif, ludique, système d'intégration motrice primordiale, voilà, j'ai oublié le mot primordial que j'ai déjà expliqué, donc choses qui sont de la première importance et qui est en même temps très ancien, ludique, parce qu'on va utiliser beaucoup de jeux, d'activités, nous on va pas donner des exercices, dans le sens où ça va pas être embêtant, des répétitions à faire, ça va être beaucoup basé sur le ressenti, et il y a beaucoup de choses qu'on va enseigner sous forme de jeux, on va utiliser aussi des foulards, des balles, des petits sacs de grains, pour faire des mouvements de coordination, on utilise beaucoup des petites chansonnettes et des choses comme ça. Évidemment, ça dépend de l'âge avec quelle personne on travaille. On travaillera pas de la même manière avec un petit enfant, avec un adolescent ou une personne âgée. Mais on a beaucoup de jeux et d'activités motrices qui sont ludiques et puis éducatifs. Et ça, c'est très important, le E final, parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est pas une approche thérapeutique. On va pas demander aux personnes quels sont leurs problèmes, est-ce qu'ils ont des problèmes, quels sont leurs symptômes. On n'est pas formé pour ça. C'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est d'éduquer les gens, de leur montrer ce qu'ils peuvent faire dans la vie de tous les jours pour justement aller intégrer ces réflexes et leur permettre d'utiliser au mieux leur potentiel. Et donc, c'est pourquoi, pour m'amuser, j'ai dit que l'IMP était une approche simple. Alors, des fois, certains stagiaires disent pas si simple que ça parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Et effectivement, ça ramène au premier S. C'est un système qui comporte beaucoup d'éléments. Et l'avantage, c'est que quel que soit le public avec lequel on travaille, dans ce système, on va pouvoir trouver quoi faire. Et on aura des choses qu'on peut faire avec des petits-enfants, avec des bébés, avec des femmes enceintes, avec des personnes âgées, mais aussi avec des sportifs de haut niveau, avec des enseignants pour faire dans la classe, ou avec des musiciens. J'ai beaucoup travaillé avec des musiciens aussi. Donc voilà un petit peu. D'accord. Et donc, comme vous l'avez dit un peu plus tôt dans cette émission, quand un bébé vient au monde, il a des réflexes qui s'inhibent en grandissant, donc qui disparaissent en grandissant. Donc, comment cela se fait-il que nous perdions certains réflexes en grandissant ? Alors, c'est-à-dire que quand on grandit, il y a un processus qui s'appelle une corticalisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va de plus en plus, en grandissant, c'est-à-dire quand je dis en grandissant, c'est jusqu'à l'âge de 1 an, 2 ans, de plus en plus développer notre néocortex. Le néocortex, c'est la partie plus externe du cerveau, qui est énorme chez l'être humain, et qui permet d'avoir le contrôle. Je m'explique. Tout le monde sait que le bébé, à la naissance, il a un réflexe très fort qui s'appelle le réflexe d'agrippement. Si on met notre doigt dans la main d'un bébé, le bébé va attraper notre doigt, il va le serrer. Il fait pas exprès, c'est pas un geste volontaire. D'ailleurs, le bébé va faire ça même quand il dort. Si le bébé dort, je lui mets quelque chose dans sa main, il peut pas s'empêcher de serrer. Donc, ça veut dire que déjà, neurologiquement, le processus d'agrippement est présent, le fait d'attraper, c'est présent, mais c'est pas volontaire. Même chose pour la fameuse marche automatique. À la naissance, si on prend un bébé, qu'on le tient sous les bras, qu'on le met ses pieds en contact avec le sol et qu'on penche légèrement le bébé en avant, eh bien ses jambes vont faire un mouvement de marche automatique. Ah, évidemment, on peut pas lâcher le bébé, il n'a pas la posture et la force pour pouvoir marcher, mais c'est déjà encodé dans son cerveau les mécanismes de la marche. Mais c'est pas un mouvement volontaire. Ça veut dire qu'il va falloir que ce mouvement devienne volontaire. Il faut que je décide quand je veux marcher. Il faut que je décide quand je veux agripper, attraper quelque chose ou le lâcher. Et ça, c'est pas possible à la naissance. On a nos réflexes qui font fonctionner toute cette structure neurologique, mais j'y ai pas accès volontairement. Il va falloir plusieurs mois, plusieurs semaines, en gros jusqu'à l'âge d'un an, pour qu'on puisse en quelque sorte apprendre à piloter notre corps. Voilà, notre système nerveux fonctionne de manière réflexe, mais il va falloir le faire piloter de manière automatique. Et exactement l'analogie qu'on peut prendre, c'est quand on est sur l'autoroute, on peut mettre le régulateur de vitesse de telle sorte d'être toujours à, moi j'aime bien le mettre à 110 parce que je conduis prudemment, à 110, mais dès qu'il y a quelque chose qui se passe, des voitures qui arrivent ou un rétrécissement de la route, on quitte ce système de régulation automatique pour pouvoir avoir un contrôle très fin. Bien, les réflexes, c'est la même chose. Je marche de manière automatique sans y penser, mais à tout moment, si nécessaire, je peux m'arrêter, changer de direction, me faire reculer, etc. Eh bien, les réflexes, et il y a à peu près 70 réactions réflexes à la naissance, en IMP on travaille avec une quarantaine d'entre eux, ces différentes réactions réflexes, c'est un peu ce bagage qu'on a à la naissance pour nous permettre, qu'on doit abandonner progressivement pour prendre le contrôle sur notre cerveau et accéder à la motricité volontaire. Donc il est impératif que ces différents réflexes, c'est-à-dire des réactions automatiques, puissent progressivement laisser place à la motricité volontaire, à la corticalisation. Et donc c'est pourquoi ces réflexes doivent être abandonnés et on dit inhibés, c'est-à-dire qu'ils s'inhibent. Et là, il y a une petite ruse derrière ce mot inhibé. Ça veut dire qu'à tout moment dans la vie, quand il y a un accident, un choc, une maladie, de la fatigue, du stress à répétition, eh bien ça va se désinhiber, les réflexes vont reprendre les commandes. Ça va se réautomatiser pour faire face aux éventuels dangers de la vie quotidienne. Par exemple, si je vais tomber et que je vais trébucher sur quelque chose, en même temps que je vais tomber, je vais mettre mes mains devant moi pour me rattraper, de telle sorte que je ne me fracasse pas le crâne, mais je vais peut-être me casser les poignets ou me faire mal aux mains, mais c'est moins grave que de se fracasser le crâne. Eh bien, je ne fais pas exprès de mettre mes mains. C'est un réflexe automatique. Ça n'est même pas monté à mon cerveau. C'est directement commandé par la moelle épinière et directement, il y a une décision qui est prise dès que mon oreille interne perçoit la chute ou mon système corporel, paf, je mets les mains. Ça, c'est un réflexe. Et là, ça n'a pas été corticalisé, ça n'a pas été réfléchi, mais c'était utile. Voilà l'exemple typique d'un réflexe qui est inhibé en temps normal. Je ne sors pas mon train d'atterrissage, je ne marche pas comme un zombie avec les bras devant moi en permanence dans la peur de tomber, mais si nécessaire, si je trébuche, le réflexe sort et devient à ce moment-là actif, il s'est désinhibé. D'accord, donc c'est pour ça que vous dites qu'il faut que ces réflexes primordiaux du coup s'intègrent, car s'ils ne s'intègrent pas, ça peut avoir un impact sur le développement de nos sphères cognitives, émotionnelles et corporelles. C'est vraiment tout ça que vous venez de nous dire. Exactement, tout à fait, parce que ça veut dire qu'il va y avoir des résidus. C'est un petit peu comme imaginer un vélo avec des roulettes. Quand les petits enfants, on leur apprend à faire du vélo, ils n'ont pas encore un très bon équilibre, et donc on met ces fameuses roulettes de part et d'autre de la roue arrière pour mieux stabiliser l'enfant. Alors c'est un gros avantage, l'enfant risque pas de tomber, il apprend les rudiments de base de faire de la bicyclette, mais à un moment donné, on va vouloir retirer ces roulettes. Pourquoi ? Parce que ça lui permettra d'aller plus vite, il pourra mieux gérer sa direction, il pourra monter des trottoirs, et ce sera beaucoup plus efficace d'avoir deux roues plutôt que quatre roues. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe au niveau des réflexes. Les réflexes, c'est comme des roulettes qui m'aident à me développer au niveau de mon équilibre, de mes apprentissages premiers. Et puis, une fois que j'ai maîtrisé ces apprentissages de base, j'abandonne les roulettes. Ce sont les réflexes, les roulettes. Si jamais je garde ces roulettes, je vais être moins efficace et effectivement, il y aura des impacts au niveau, alors, de la posture, au niveau émotionnel ou cognitif. Pourquoi ? Parce que dans les 70 réactions réflexes que je citais, il y en a à peu près 70 à la naissance, eh bien, certains de ces réflexes, de ces réactions servent plutôt au niveau postural, d'autres au niveau émotionnel et d'autres encore au niveau de la cognition de nos apprentissages. Donc, en fonction des réflexes qui ne se sont pas inhibés, eh bien, j'aurai des petites difficultés au niveau cognitif, émotionnel ou postural. D'accord. Donc il est 14h25, avant de poursuivre cette belle émission, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que vous avez choisie, et que nous écoutions Jean-Jacques Goldman avec son titre « Nos mains ». Donc pour donner un petit peu les références, comme j'aime bien le faire, cette chanson est sortie en 1997 et est tirée du 6e album studio de Jean-Jacques Goldman, sorti le 26 août 1997, album intitulé « En passant ». Donc on écoute cette chanson de Jean-Jacques Goldman et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite. Thank you. De retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct. Vous nous écoutez sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio partout en France. Il est 14h29 et vous venez d'écouter Jean-Jacques Goldman avec son morceau Nos Mains. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Paul Landon qui est là pour nous parler entre autres de l'intégration motrice primordiale ou IMP, ainsi que des réflexes dits primordiaux ou archaïques. Ça va toujours ? Très bien, oui, merci beaucoup. Voilà, la chanson, c'était pour faire le lien avec le réflexe d'agrippement, n'est-ce pas ? Voilà, je vais vous poser la question, pourquoi avoir choisi cette chanson ? C'est une petite blague pour le réflexe d'agrippement, bien sûr, qui nous caractérise en tant qu'être humain, cette capacité justement à ouvrir nos mains, à pas réagir de manière réflexe sans arrêt. Et puis aussi, c'est pour dire que c'est une chanson qui nous permet de dire que on a plein d'opportunités dans notre monde d'aujourd'hui, il va falloir les saisir, il y a plein de changements à faire dans notre société pour que tout le monde soit en capacité d'être plus heureux, et je pense qu'il faut relever nos manches et ouvrir nos mains. Voilà. D'accord. Donc, du coup, nous allons reprendre le cours de cette émission. Je vous propose de nous attarder un peu plus, on va dire, même si on en a déjà parlé un petit peu avant, mais de développer encore un petit peu, si possible, le M, justement, de votre acronyme simple, le M pour motrice, oui. De votre méthode. Car en effet, en IMP, pardon, vous utilisez des mouvements et des activités sensorielles. Oui, oui, tout à fait. Alors, on va utiliser plusieurs sortes de mouvements en IMP. Les premiers mouvements dont on peut parler, qui semblent évidents, et qui a été développé aux États-Unis puis en Angleterre, c'est une approche qui s'est dit la chose suivante. Comment les bébés font pour intégrer leurs réflexes ? Les bébés, intégrer leurs réflexes veut dire dans notre jargon les inhiber et faire en sorte qu'ils ne soient plus présents, mais que là, en cas de besoin. On dit à ce moment-là que les réflexes vont ressortir en cas de protection positive, c'est-à-dire quand c'est à bon escient, les réflexes peuvent ressortir. Alors, l'idée, c'est que les bébés intègrent ces réflexes par le mouvement. Les bébés font des tas de mouvements, ils se retournent, ils marchent à quatre pattes, ils redressent leur tête, ils se roulent au sol, ils font beaucoup beaucoup, beaucoup de mouvements, et ces mouvements, on pensait autrefois que c'était des mouvements anarchiques qui faisaient un peu n'importe quoi. Eh bien, pas du tout. Les différents professionnels, et les psychomotriciens en premier, et les différents experts et pédiatres ont mis en évidence que ces mouvements sont très utiles, ils sont coordonnés, et ils sont progressifs, c'est-à-dire que à peu près tout le monde passe par les mêmes mouvements au même mois. Donc, semaine après semaine, le bébé, eh bien, développe un peu son panel de mouvements. Eh bien, la première idée, c'est de refaire ces mouvements-là. C'est de se dire, tiens, cette personne n'a pas intégré tel ou tel réflexe qui correspond normalement à telle période dans le développement de l'enfant, et on s'aperçoit que les gens ne sont pas capables de faire les simples mouvements du bébé qui correspondent à la période du réflexe qu'ils n'ont pas intégré. Donc, on va demander aux gens et on va leur montrer comment faire, en quelque sorte, ce que j'aime bien appeler la gym bébé, ou qu'on a appelé aussi les mobilisations primordiales. C'est de se mettre au sol et faire des mouvements basiques comme se retourner, s'asseoir, hocher la tête. Et il y a beaucoup, beaucoup de mouvements qui sont proposés dans cinq grandes catégories de mouvements. On s'est basé un peu sur les travaux, entre autres, de Tim Anderson, qui est un Américain qui a développé une approche très intéressante d'intégration de réflexes par le mouvement. Il appelle ça d'ailleurs des mouvements de reset, des réinitialisations. Il dit, voilà, en reprenant les mouvements du bébé, on va se réinitialiser et ça va intégrer les réflexes. Donc ça, c'est première catégorie de mouvements, c'est mouvements au sol. J'appelle ça la gym bébé ou le yoga bébé. C'est refaire ces mouvements du bébé. Et c'est très intéressant parce que les bébés font beaucoup de mouvements. Ils font des mouvements qui travaillent aussi bien la force, la souplesse, le cardio, la coordination. Et donc ça va être très intéressant pour tout le monde, hein, y compris on va utiliser ces mouvements avec des sportifs de haut niveau. On forme des entraîneurs à apprendre ces mouvements du bébé, puisque le bébé se prépare finalement à faire tout ce que les êtres humains doivent être capables de faire. Donc les mouvements, les bébés ont un énorme panel de mouvements qui leur permettra ensuite, en tant qu'adulte, de pouvoir tout faire. Courir, grimper, chasser, sauter, et faire toutes les activités, jouer de la musique, etc., qu'un adulte peut faire. Donc ça va être très intéressant. Donc c'est première catégorie de mouvement, les mobilisations primordiales, un peu les resets, la gym bébé. Deuxième catégorie de mouvement, qu'est-ce qu'on fait beaucoup avec un bébé et qu'est-ce que les bébés reçoivent beaucoup comme mouvement? Alors là, je parle des tout petits, c'est les bercements. On berce beaucoup nos bébés, ils sont bercés dans le ventre de leur mère par les simples mouvements de respiration ou de gestes que fait sa mère. Et donc, quand on se développe, quand on est dans le ventre de notre mère, on est bercé. Et puis, quand un bébé pleure, plus tard, qu'est-ce qu'on fait? On le prend dans les bras, on le berce. Les bébés adorent être portés, d'être pris à bras et d'être bercés. Et c'est pas pour rien, parce que ça va activer beaucoup de choses au niveau de notre système musculaire, au niveau de ce qu'on appelle aussi la proprioception, c'est-à-dire la perception interne de notre corps en mouvement, mais aussi au niveau de l'oreille interne et du système vestibulaire, donc qui est en charge de l'équilibre. Et ça, c'est très important. Et donc, les bercements, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, on va pas prendre quelqu'un dans nos bras et le bercer, ça va pas être possible physiquement. En revanche, on va faire allonger la personne et on va, à partir des pieds, à partir des genoux, on peut mettre la personne sur le dos, sur le ventre ou sur les côtés, on va la bercer, on va faire des micro-mouvements, on va la pousser, faire un peu des allers-retours par les pieds, par les genoux, par le dos, très agréable, très doux, et pendant quelques minutes, on va un peu bercer la personne, et ça va avoir un effet extrêmement relaxant, détendant, on va libérer les tensions au niveau du système musculaire, et la plupart des gens qui viennent nous voir, d'ailleurs, je devrais dire, la plupart d'entre nous, aujourd'hui, on accumule beaucoup de stress, on a beaucoup de tensions au niveau corporel, et dans notre corps, et donc, ça va être très intéressant de bercer les gens pour aller libérer ces chaînes musculaires, ces différentes tensions corporelles, et puis aussi de stimuler le système vestibulaire. Pourquoi c'est important? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on ne bouge pas beaucoup. Alors évidemment, on a plein de tensions corporelles parce qu'on ne bouge pas beaucoup, on est assis toute la journée dans les mêmes postures, et puis aussi, on grimpe pas, on court pas, on saute pas beaucoup, et du coup, on ne stimule pas beaucoup notre oreille interne. Or, notre oreille interne est absolument majeure pour maintenir notre cerveau dans un état, on pourrait dire, de vigilance. On va voir aussi que les enfants en difficulté scolaire, en particulier tous les enfants qui sont étiquetés enfants 10, dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques, dyspraxiques, etc. Ces enfants-là, en règle générale, ont des difficultés au niveau du système vestibulaire, c'est-à-dire des difficultés d'équilibre. Ils ont du mal aussi à percevoir leur droite, leur gauche, le haut, le bas. Ils mélangent aussi souvent le hier et demain, etc. Et on s'est rendu compte que tout ça est associé au système vestibulaire et à la capacité à être dans notre corps et à se repérer dans l'espace. Et donc, ces mouvements de bercement sont très très demandé par les gens parce que c'est très agréable, ça relaxe les tensions, ça stimule le système vestibulaire. Ça, c'est la deuxième catégorie de mouvements. Après, on va utiliser aussi beaucoup de mouvements dits de brain gym. Ce sont les mouvements de brain gym qui viennent des travaux d'un enseignant américain qui s'appelle Paul Denison, qui dans les années 80 a cherché à voir ce qu'il pouvait faire dans les classes d'école pour améliorer l'apprentissage. Et il s'est rendu compte qu'il fallait, chez les enfants, travailler le système visuel, travailler le système auditif, travailler la coordination droite-gauche, etc. Et donc, il a mis en place tout un tas de mouvements. Brain gym, en anglais, brain, ça veut dire cerveau, et gym, la gym. Donc, la gym du cerveau, la gym cérébrale. Il a mis en place des mouvements de coordination qui vont aider les apprentissages. Donc, on va utiliser certains de ces mouvements parce que ils vont réintégrer aussi, contribuer à réintégrer les réflexes. On va utiliser, comme ça, tout un tas de mouvements. Alors, au niveau sensoriel, hein, c'est vrai que je dis intégration motrice primordiale, donc je dis le mot motrice, mais c'est souvent sensorimoteur qui dit mouvement, dit perception via nos sens. Donc il y a beaucoup de choses qui se font au niveau visuel, au niveau auditif. On a beaucoup aussi de travail tactile. On va aller stimuler dans le corps de la personne, non pas par des massages, mais par des stimulations tactiles au niveau articulaire, au niveau de l'ensemble du corps. On va aller réveiller le schéma corporel, on va aller réveiller différents mécanismes en lien avec les réflexes, parce que chaque réflexe a une composante tactile au niveau du corps, hein, chez le bébé, qui va d'ailleurs déclencher ce réflexe. On parlait du réflexe d'agrippement tout à l'heure. Quand je mets mon doigt dans la main d'un bébé, il agrippe. Ça veut dire qu'il y a une composante tactile, c'est dans la paume. La paume de la main du bébé est associée au réflexe d'agrippement. Et il y en a comme ça au niveau du dos, au niveau du ventre, au niveau des pieds, au niveau du visage. Et donc, on peut aller stimuler ces zones tout doucement pour aller intégrer le réflexe. Donc, voilà un peu, Chris. D'accord. Maintenant, on va se pencher un petit peu sur la lettre du coup P de votre acronyme simple, donc S-I-M-P-L-E, donc primordial. Oui. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Le terme, primordial est en EMP à prendre dans deux sens, qui existe dès l'origine, qui est le plus ancien et qui est jugé de la plus grande importance. Donc, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des choses à dire de plus par rapport oui. à... Oui, alors bon, eh bien on a dit ce qu'on a déjà dit et que vous venez de rappeler, effectivement, mais il y a quelque chose que j'ai envie de rajouter, qui est cet aspect primordial, qu'on retrouve aussi dans le sens d'ailleurs archaïque ou primitif, fait appel à une vision liée à la préhistoire, au fait que l'être humain d'aujourd'hui hérite de centaines de milliers d'années d'évolution préhistorique qui ont précédé l'homme qu'on pourrait appeler moderne, industriel. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de difficultés que nous avons dans le monde moderne viennent justement de notre mode de vie, que ce soit au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau cognitif. On ne peut bien comprendre l'être humain d'aujourd'hui qu'en se référant à notre ADN et d'où vient notre ADN, comment s'est constitué ce capital génétique que nous avons tous. Et c'est ça que j'appelle la primordialité, c'est-à-dire de revenir à quelque chose. Alors, il ne s'agit pas de revenir à la préhistoire, c'est trop tard, c'est pas possible, mais en revanche, de revenir à comprendre nos conditions de vie initiales et comment on peut, dans le monde d'aujourd'hui, adapter certaines choses que l'on fait pour correspondre mieux à l'ADN que nous avons à la naissance. On aime bien dire, c'est une sage-femme qui disait ça, Ingrid Bayo, qui dit ça, que le bébé humain, quand il vient au monde avec 100 000 ans de décalage horaire. C'est-à-dire que le bébé humain s'attend à naître à la préhistoire et il se trouve qu'il naît dans le monde industriel moderne. Et donc il est en décalage, son ADN, notre génétique, à la naissance est en décalage avec le monde dans lequel on est. Par exemple, on pourrait faire le parallèle entre un animal qui serait né dans son milieu naturel et sauvage et un animal qui naît en captivité. On sait que, par exemple, les animaux en captivité vont développer un certain nombre de maladies au niveau corporel, parce qu'ils ne sont pas évidemment nourris comme ils le devraient, etc., mais aussi un certain nombre de troubles psychologiques liés à l'enfermement. Les lions vont tourner en rond dans les cages et avoir des mouvements répétitifs, les animaux vont devenir dépressifs, ils vont avoir tout un tas de carences affectives. Eh bien, on retrouve beaucoup de ces choses-là chez nous aujourd'hui, en particulier chez les enfants. Il y a certains qui ont parlé même du fait que les enfants étaient en déficit de nature et allaient développer des difficultés au niveau de leurs apprentissages et au niveau émotionnel, tout simplement parce qu'ils ne sont plus dans la nature. Nous, on souffre beaucoup de dépression, de problèmes émotionnels, mais aussi corporels, parce qu'on ne va pas utiliser notre corps en sautant, courant, chassant, grimpant, nageant, comme il le devrait. Alors, on se force à faire un peu des exercices 2-3 fois par semaine, mais évidemment, notre corps, il n'a pas été construit pour faire des exercices 2-3 fois par semaine, mais pour être dans un monde plus vigoureux. Et donc, c'est ce que moi j'aime appeler la primordialité. Je cherche à revenir vers plus de primordialité et pour faire correspondre plus notre génétique à notre mode de vie. Donc ça c'est important et donc ça va amener nous dans notre travail à expliquer un petit peu des choses au niveau du bébé. Le bébé n'a pas besoin de tout un tas de gadgets pour l'éduquer. Il n'a pas besoin de Youpala, de trotteurs, de choses et d'autres. On va essayer d'avoir un comportement aussi nous dans notre mode de vie plus en adéquation avec un mode de vie primordial. Alors on l'enseigne dans nos cours, on partage, on interroge les gens lors de nos séances individuelles pour voir comment ils peuvent mettre leur vie plus, je dirais, en parallèle avec ces valeurs qui correspondent aux valeurs de l'évolution humaine qui est bien plus longue que ce qu'on arrive à imaginer, nous, avec nos petites vies qui durent 80, 90, au maximum 100 ans. Et on a du mal à voir que la lignée humaine, c'est des centaines de milliers d'années et que le monde moderne, c'est la dernière seconde depuis l'évolution humaine et que les changements sont tellement grands, on ne les a pas vus arriver, que nous ne sommes pas adaptés ni physiquement, ni psychologiquement, ni éducativement à tous ces changements et que ça peut créer une inadéquation, comme dirait Frank Forensich, l'auteur d'un livre que j'ai traduit qui s'appelle L'animal exubérant. Ça crée une inadéquation entre notre génétique et notre mode de vie et c'est ça que j'essaye dans l'IMP aussi de véhiculer, ces valeurs de primordialité. D'accord. Et donc, comme on parlait tout à l'heure, enfin, comme vous parliez tout à l'heure, le bébé, quand il naît, il a forcément des réflexes, enfin, il a des réflexes comme réflexe d'agrippement, entre autres. Mais justement, est-ce qu'un bébé, quand il naît, il a forcément justement des réflexes ou est-ce qu'il est possible qu'il n'en ait pas ou qu'il en ait moins que prévu? Alors, normalement, à la naissance, tous les bébés ont le même nombre de réflexes avec une intensité à peu près similaire. C'est-à-dire que si on teste 2 ou 3 ou 4 bébés, on devrait à peu près voir au même âge les mêmes choses. Mais, évidemment, chaque humain est différent et puis on va voir des cas particuliers. Je pense aux enfants prématurés, par exemple. Dans le cas d'enfants prématurés, on va avoir des réflexes qui sont parfois pas présent, parce que normalement ce réflexe devrait se développer dans le 8e mois, 9e mois, 7e mois, et le bébé est né trop tôt. Donc l'exemple typique, c'est qu'un bébé qui naît trop tôt n'est pas capable de téter par lui-même. Un grand prématuré ne peut pas téter par lui-même, donc il va falloir le téter, enfin le nourrir par un tuyau. Donc ça c'est un exemple. Mais sauf dans les cas de handicap, on a toujours ces réflexes qui apparaissent. Et j'ai bien dit quelque chose, sauf dans les cas de handicap. Dans certaines formes de handicap, certains réflexes ne sont pas présents, c'est dire l'importance de ces réflexes. Et donc, oui, normalement, tous les bébés ont accès à ce pool de réflexes dès la naissance. En revanche, évidemment, tout de suite, on va être confronté aux conditions de vie. Est-ce que le bébé va être mis au sein ou pas? Est-ce qu'il va être mis dans un berceau ou pris dans les bras? Est-ce qu'il va avoir beaucoup de temps avec ses parents ou pas? Quel va être son mode de vie? Et tout de suite, ça va l'affecter. Si le bébé est mis dans un trotteur, dans un Youpala, un Baby Relax, je sais pas quoi, s'il est mis derrière des écrans, il est sûr qu'il va pas se développer de la même manière que s'il est pris dans les bras, si on lui témoigne plus d'affection ou s'il y a beaucoup de stress dans sa famille, ça va aussi avoir un impact. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui font que très, très vite, les réflexes vont bien se mettre en place et bien s'inhiber ou pas. Mais a priori, tous les réflexes apparaissent chez tout le monde et ils sont tous là à la naissance ou presque. Certains apparaissent après la naissance, mais là, ils sont là, sauf dans certaines formes de pathologie ou de handicap. D'accord. Donc il va bientôt être 14h45. Donc avant de poursuivre cette émission, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence. Cette fois, vous m'avez soumis l'artiste et vous m'avez laissé le choix de la chanson. Donc vous m'avez soumis l'artiste Stéphane Escher. Et donc j'ai choisi la chanson Déjeuner en paix, une de ses chansons les plus célèbres. Donc une nouvelle fois, pour donner quelques références, cette chanson est une chanson plutôt typée, on va dire, pop. Et elle est sortie en 1991. Donc on écoute cette chanson de Stéphane Escher et on se retrouve juste après. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Ben demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Stéphane Echer avec son morceau « Déjeuner en paix » sur Radio Guémozo. Il est 14h49, vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Paul Landon qui est là pour nous parler de l'intégration motrice primordiale ou IMP ainsi que des réflexes dits primordiaux ou archaïques. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Paul ? Ah ben c'est super, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de parler de ma passion hein, qui m'anime depuis toute ma vie. Donc ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, Chris. Ah, merci à vous. Donc là, je vais vous poser la même question que pour la pause musicale précédente. Je connais déjà la réseau, vous m'en avez déjà un petit peu parlé par mail, mais nos auditrices et nos auditeurs ne le savent pas. Pourquoi m'avoir soumis ce chanteur, Stéphane Echer ? Et parce que c'est l'artiste préféré de ma compagne, Ludivine, avec qui je travaille depuis 2014, et qui, grâce à tout le travail qu'on a fait avec elle, m'a fait énormément évoluer sur l'IMP. On a co-créé l'IMP depuis, on a fait évoluer tous les concepts, en particulier autour de la primordialité, donc qu'on a évoqué juste avant la pause musicale, puisque elle est doula, c'est-à-dire accompagnatrice de naissance, et qu'elle enseigne aussi, elle travaille beaucoup avec les bébés, le portage bébé, elle enseigne aussi des choses autour de l'allaitement, et du portage bébé, et du massage bébé, pardon. Et donc, c'était pour lui rendre hommage, comme c'est son artiste préféré, voilà. C'est un petit clin d'œil. D'accord, si votre compagne nous écoute, on la salue, on lui passe un petit bonjour. Merci, merci. Ah ben là, elle est en rendez-vous, elle est en train de donner, toute la journée d'aujourd'hui, elle donne c'est le mercredi, c'est le jour des enfants, donc elle reçoit des enfants toute la journée dans son cabinet, et donc, voilà, mais elle écoutera en rediffusion. Ah bon, de toute façon, il y aura le podcast mis sur notre page Facebook, super. Sûrement vendredi, car demain c'est férié, donc on ne travaille pas, mais je vous enverrai même l'émission par mail. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc j'imagine qu'avec la situation sanitaire actuelle, il est plutôt compliqué de proposer des séances et ou des formations, mais en général, il y a des séances et ou des formations tous les combien de temps à peu près ? Alors là, il y en a. Alors pour ce qui est des séances, eh bien, il y a des centaines de professionnels et même des milliers si on compte tous les professionnels formés, mais qui sont pas forcément sur l'annuaire de l'IMP. Mais ces milliers de personnes, en fonction des autorisations administratives, elles pratiquent, hein, puisqu'on parle de kiné, d'ostéopathe, d'orthophoniste. Et évidemment, on a aussi des enseignants et des tas d'autres professionnels de santé, donc ils prennent les mesures qui leur sont requises pour pouvoir travailler professionnellement. Mais ils travaillent, il n'y a aucun problème dans toute la France. Et pour ce qui est des stages, il y a des restrictions en termes du nombre de participants et surtout de la place qu'il faut pour chacun, qu'il y ait suffisamment de place pour accueillir les gens. Donc on a des plus grandes salles que d'habitude pour que les gens puissent s'espacer. Mais il y a des formations très régulièrement, un peu partout en France. On peut retrouver de toute façon toutes les formations sur le site officiel de l'IMP qui est reflex.org. Comme vous avez dit, il y a un S à reflex parce qu'il y a plein de réflexes, donc reflex au pluriel.org. Et là, il y a des formations qui sont proposées régulièrement tout au long de l'année. Pour les personnes intéressées, faut savoir que faut souvent s'inscrire des mois à l'avance, c'est souvent plein longtemps à l'avance parce que on a beaucoup de demandes, voilà. D'accord. Donc il est 14h52, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission. Malheureusement, il y a tellement de choses à dire que nous ne pouvons pas tout dire en une heure, c'est un petit peu court. Bien sûr. Mais y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé mais qui mériterait absolument de l'être ? Alors, Évidemment, on a déjà évoqué pas mal de choses. Effectivement, j'ai rien de rajouter de spécial, mais si ce n'est de dire que, et d'insister sur le fait que l'IMP, c'est vraiment une approche qui s'adresse à tout le monde. À partir du moment où on sent qu'on voudrait travailler sur des objectifs, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est une question qu'on pose aux gens quand ils viennent nous voir, on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire de mieux, qu'est-ce que vous voulez développer. Et la plupart des gens sont un peu surpris, parce que d'habitude, quand on va chez un professionnel, on arrive avec des problèmes. On dit voilà, mon enfant a du mal à se concentrer, il lit lentement, ou si c'est on a un adulte, on dit voilà, j'ose pas aller voir mon patron pour lui dire qu'il y a des trucs qui vont pas ou pour lui demander une augmentation, ou on a des difficultés, on a mal au dos, ou ceci, cela. Donc on est habitué d'aller voir des professionnels et d'avoir des plaintes, en quelque sorte, des symptômes. En IMP, c'est très différent. Et je pense que c'est quelque chose qui peut beaucoup changer les choses pour les professionnels, d'avoir un peu un autre regard qui est de non pas aborder les autres êtres humains en cherchant à comprendre ou à leur demander quels sont vos problèmes, mais plutôt leur demander quelles sont vos passions dans la vie, qu'est-ce qui vous motive, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Et à partir de là, la nature nous a mis à notre disposition des dizaines et des dizaines de réflexes et de stratégies motrices et cognitives et émotionnelles pour nous permettre d'aller vers ce qui nous motive. Pavlov, le fameux Pavlov, avait appelé il avait nommé un réflexe, le réflexe de curiosité de l'enfant, il avait appelé le réflexe d'orientation cognitive, c'est-à-dire vers quoi j'oriente mon cerveau. Ça, c'est très important. L'être humain est curieux, il a envie d'apprendre, de se développer, et je pense qu'à partir du moment où on a une philosophie dite éducative, où le professionnel qui me reçoit me demande qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, à ce moment-là, on va pouvoir construire des choses. Et ça, c'est quelque chose que je cherche à faire avec l'IMP, c'est de dire à chaque être humain, à chaque personne qui vient en stage, à chaque personne qui vient nous voir dans nos cabinets respectifs, c'est de demander qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, quelles sont vos passions, comment vous voulez vous transformer, apprendre, développer, et à partir de là, on va regarder comment fonctionnent leurs réflexes, est-ce qu'ils ont toutes les stratégies nécessaires à leur disposition, et si c'est pas le cas, eh bien on va se mettre en mouvement, on va bouger, on va s'amuser, on va faire des jeux, on va faire des intégrations tactiles, et on va chercher à aller vers des buts qui sont, et des objectifs qui sont positifs, qui sont enthousiasmants pour tout un chacun. Donc ça c'est quelque chose que je veux donner, c'est réveiller en chacun cet enthousiasme, et c'est pas toujours évident, parce que quand c'est des parents qui nous amènent leurs enfants en difficulté scolaire, eh bien c'est un peu surprenant pour les parents qu'on s'adresse à l'enfant et qu'on dise, et qu'on lui demande, toi t'as envie de faire quoi, qu'est-ce que t'as envie d'apprendre, quelles sont tes passions dans la vie, et de l'aider à aller vers là, en l'aidant à mieux utiliser son corps, ses yeux, ses oreilles, en quelque sorte son cerveau, et c'est ça qui me plaît, moi, de pouvoir rencontrer les gens à partir de leurs passions dans la vie, et non pas à partir de leurs problèmes, même si je comprends, il faut que ça existe, et que moi, des fois, j'ai des problèmes, et je suis bien content d'aller voir un kiné, un médecin ou un psychothérapeute, mais c'est une approche complémentaire, l'IMP, ça remplace pas toutes ces approches thérapeutiques, mais ça vient en complément pour justement aller donner aux gens une stimulation, l'énergie, de l'enthousiasme. D'accord, bah, je crois que le message est passé. De toute façon, si on veut retrouver toutes les informations, on peut se rendre sur votre site internet reflexavecunes.org. Oui. Oui, on a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne Le Plaisir d'Apprendre, sur laquelle on a fait des centaines de vidéos, de mouvements, de petites conférences qui expliquent l'IMP, etc. C'est tout simplement la chaîne qui s'appelle Le Plaisir d'Apprendre, mais on retrouve tout ça en passant effectivement par le site officiel de l'IMP, reflex.org. D'accord, de toute façon, je mettrai tous les liens de votre site internet et votre chaîne YouTube en podcast de cette émission quand il sera posté, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vendredi dans la journée. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je vous remercie une nouvelle fois, Paul, d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, c'est gentil, Chris, merci beaucoup. J'étais très très content et ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et d'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après, hors antenne. Super. Cette émission sera rediffusée demain, jeudi, à 18h, avec le podcast de cette émission, posté, comme je viens de le dire, vendredi, sur notre page Facebook dans la journée, et que je vous enverrai par mail également. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse avec un autre programme proposé par Radio Guémozo, programme intitulé Les Oreilles du Monde, d'ici quelques minutes à 15h. Quant à nous, nous nous retrouvons lundi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux, si tout va bien, à Saint-Étienne, Liremiremont, Madi Besson, auteur de l'ouvrage « Je comprends, il était une fois le burn-out » et moi, qui sera là pour nous parler de sa carrière, mais aussi de cet ouvrage qui parle, comme le titre l'indique, de cet énorme épuisement que beaucoup de personnes connaissent au travail à cause d'une surcharge incessante de travail ou autre, le burn-out, est toujours lundi à 8h et 13h30 pour votre chronique « La crise soir des auteurs ». Pour la suite, est la fin de notre voyage dans la vie et dans l'œuvre de la créatrice des personnages de Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley, J.K. Rowling. Voilà, ça fait un programme bien chargé, mais c'est ce qu'on aime. Donc merci de votre fidélité à Radio Gémozo, et du coup moi je vous dis à lundi. Donc salut et à lundi.